Mars fut clair, sec et presque doux. La comtesse et Gilberte reparlaient de promenades à cheval que tous les quatre feraient ensemble. Jeanne, lasse un peu des longs soirs, des longues nuits, des longs jours pareils et monotones, consentit, tout au reste de ses projets. Et pendant une semaine, elle s'amusa à confectionner son Amazon. Puis ils commencèrent les excursions. Ils allaient toujours deux par deux. La comtesse et Julien devant, le comte et Jeanne 100 pas derrière. Ceux-ci causaient tranquillement, comme deux amis, car ils étaient devenus amis par le contact de leurs âmes droites, de leurs cœurs simples. Ceux-là parlaient bas souvent, riaient parfois par éclats violents, se regardaient soudain comme si leurs yeux avaient à se dire des choses que ne prononçait pas leur bouche, et ils partaient brusquement au galop, poussés par un désir de fuir, d'aller plus loin, très loin. Puis Gilberte parut devenir irritable. Sa voix vive, apportée par des souffles de brise, arrivait parfois aux oreilles des deux cavaliers attardés. Le comte alors souriait, disait à Jeanne : « Elle n'est pas tous les jours bien levée, ma femme. »